cas d'un rêve. À peine humain, tout juste un rêve. Mais comme je suis un peu potelé, on m'appelle David Bobidé. On m'appelle Général Rimmel. Youhou la paillette, me voici sur mon nuage de poutrerie. Pile, je m'épile, face, je m'efface, disparu sans laisser de trace. Bien sûr, je suis de la pétale. Plus une plante grasse qu'un coquelicot. Oh, t'en appelles la belle Otero. Youhou la paillette, me voici sur mon nuage de poterie. Ah, pire, jamais pire, face, jamais face, disparaît.